Chapitre 2e, 4 mai. Que sous prétexte d'avoir été aumônier dans la marine, un curé de village loge au presbytère un perroquet et un singe, bête, le singe surtout, médiocrement canonique. Qu'il appelle l'un Bouddha, l'autre Brahma, et scandalise ses confrères par le spectacle peu édifiant de cette cohabitation d'un prêtre catholique avec des animaux baptisés de noms empruntés à des religions concurrentes. Que ce curé, industrieux comme un matelot, rapièce ses culottes et fasse son pot-au-feu lui-même, qu'il fabrique autour 1000 petits objets, rabote, plante des clous à ses moments perdus, bêche, sarcle, pioche dans son jardin en sifflotant, sans y penser, tantôt des airs d'église et tantôt des refrains de gabier. Ce n'est pas cela, sans doute, non plus que son nez en l'air, son air obstinément jeune et gamin, qui empêchera l'abbé Papillon d'aller tout droit en paradis. Libre à lui également de faire chaque dimanche à ses paroissiens un bijou de sermon, car il parle fort bien. Un sermon familier, plein de naturel, avec de brusques envolées de poésie et d'éloquence, puis, sa messe dite, de fumer une pipe sous l'œil de l'Éternel. Mais tout habitué que je sois aux façons un peu bizarres de cet excellent homme, qui est aussi un excellent prêtre, je n'ai pas laissé d'être surpris du spectacle qui s'est offert à moi aujourd'hui quand j'ai ouvert la porte de la cure. Sur les marches d'un petit perron exposé au soleil, trois vieilles femmes assises disaient les litanies de la Sainte Vierge en épluchant des pommes de terre qu'elles jetaient ensuite dans un grand saladier posé à terre. Des pigeons roucoulaient sous le rebord du toit. Du haut de son perchoir, le perroquet regardait obliquement, de son œil rond et brillant comme du jais, le singe qui faisait des gambades. Sur la plateforme du perron, l'abbé raccommodait un pied de chaise avec de la colle forte. En me voyant paraître, les trois pauvresses cessèrent d'égrener de leur voix chevrotante les syllabes latines. « Allons, voyons, » dit en trempant son pinceau dans la colle le curé, qui ne m'avait pas aperçu. « La suite, donc, Stella Matutina. »« Ora pro nobis, » répondis-je. Il se retourna, sa chaise d'une main, son pinceau de l'autre, et se mit à rire en m'apercevant. « Vous voyez, » dit-il gaiement, « que je me conforme aux préceptes de saint Benoît en faisant alterner la prière et les œuvres. » Il mit son bras sous le mien et m'entraîna du côté du jardin afin de me montrer ses salades. Puis il me fit monter à un petit kiosque construit de ses mains qu'il nomme son banc de car et d'où la vue embrasse un vaste paysage de plaine. J'ai regardé devant moi. Les pêchers et les arbres de Judée se couvrent de fleurs d'un rose tendre. La tête ronde des pommiers semble poudrée de neige. Des boutons d'or étoilent déjà la verdure encore pâle des prés. Les premières aubépines blanchissent çà et là dans les buissons. « Eh bien, qu'en dites-vous, jeune mélancolique ?» s'écria l'abbé. « Et ça c'est beau tout cela ?»« Oui, » ai-je répondu, « mais qu'en restera-t-il dans 6 mois ?» Là-dessus, notre conversation a pris un tour plus intime. Il m'a interrogé sur mes travaux, mes projets d'avenir. Je me trouvais à l'un de ces moments où l'on éprouve impérieusement le besoin de se confier à quelqu'un, de vider son cœur dans un autre cœur. J'ai donc mis à nu devant lui toutes les plaies secrètes dont je souffre, la défiance de moi-même, le désœuvrement, l'incurable ennui dont je me sens rongé. Je me suis plaint de ne trouver dans la vie, faute d'une croyance quelconque, aucun principe d'action. « Bon, bon, » a interrompu l'abbé, qui m'avait écouté jusque-là en haussant de temps en temps les épaules, « je connais la suite. Je ne raccommode pas toujours des pieds de chaise, vous savez, je lis beaucoup aussi. Ne vous croyez pas obligé de me réciter le dernier roman paru. J'ai protesté. Je lui avouais combien je l'enviais. Lui qui, par la vertu de sa foi tranquille, sûre d'elle-même comme de son objet, échappe à la contagion du doute universel, d'où sort sans doute la mortelle tristesse de ce siècle finissant. J'ai déclaré que la vie, cette vie dont il n'est possible de comprendre ni la cause, ni le sens, ni la fin, n'est en somme qu'une énigme méchamment posée par quelqu'un de cruel, qui a fait également invincible et notre désir d'en trouver le mot, et notre impuissance à le découvrir. J'ai conclu enfin en disant que je me demandais parfois ce qu'il vaut le mieux d'être ou de n'être pas. À ces mots, il se leva brusquement, et d'une voix grave, avec une sorte de majesté qui transfigura soudain son visage, comme au moment où l'inspiration le prend en chair, il dit, en dessinant sur l'horizon un geste large de prédicateur, « Regardez. Regardez ce bleu fin du ciel. Ces petits nuages blancs immobiles qui sont les pommiers en fleurs de là-haut. Cette lumière qui baigne toutes choses. Ces jeunes verdures qui courent sur les branches. Ces brins d'herbe qui germent dans tous les sillons. Écoutez ces chants d'oiseaux, ces cris joyeux de bêtes, ces bourdonnements d'insectes, ce murmure immense de toute la création qui souhaite au soleil la bienvenue et se réjouit de sa première caresse. Respirez ces parfums légers qu'exhale la nature en fête. Avez-vous jamais contemplé spectacle plus charmant que celui-là? Et quand vous avez ainsi le printemps sous les yeux, c'est à l'hiver que vous songez, n'est-ce pas? Quand vous voyez la vie s'épanouir, au lieu de prendre votre part de l'allégresse universelle, c'est l'idée de la mort qui vous obsède. Vous avez 25 ans, et rien de tout cela ne vous émeut. Et c'est un vieux prêtre qui se sent redevenir jeune au contact de ce renouveau. » Il resta un moment silencieux, puis reprit en se rasseyant. « Mon cher enfant, vous êtes un malade. Et je vais vous dire quelle est votre maladie. Il y a en vous deux hommes, un vrai et un faux, Raymond. Le premier, celui que j'aime, est un grand enfant, très naïf, très tendre, bon, simple, ardent et généreux. La faculté d'enthousiasme sommeille en lui, parce que l'isolement de sa vie n'a pas permis qu'il rencontrât jusqu'ici les occasions de l'exercer. Mais je prévois qu'elle rattrapera le temps perdu, et que nous l'entendrons faire un beau tapage le jour où elle s'éveillera. L'autre, Raymond, celui que vous vous obstinez à me montrer depuis une heure, encore qu'il ne me plaise guère, est un être artificiel, tout de convention, le produit d'une littérature spéciale, dont le désenchantement, sincère ou affecté, est la marque de fabrique. Au lieu de faire un roman pessimiste, vous vivez ce roman au naturel. Sans en avoir conscience, vous vous ingéniez à parler, à penser, à sentir, comme devrait parler, penser et sentir le héros du livre que vous n'écrivez pas. À l'exemple de ces tristes personnages qu'on nous montre penchés sur eux-mêmes, sans cesse occupés à disséquer leur propre cœur et à extraire la quintessence de la pourriture qu'ils y ont trouvée, vous passez votre temps à chercher en vous et hors de vous, dans votre être intime comme dans le monde extérieur, le mal, toujours le mal et rien que le mal. Vous vous consacrez, selon les règles du genre, à cette malfaisante besogne de prendre l'un après l'autre tous les fruits de la vie, et de faire voir, avant même de les avoir goûtés, qu'un ver se cache dans chacun d'eux. Vous poussez si loin, à votre insu, l'imitation des procédés qui constituent la formule étroite de cet art, que toute la matière dont il vit, à savoir la sottise ou la méchanceté de l'homme, la misère de sa condition, la bassesse et la fatalité de ses instincts, l'inutilité de l'effort, les duperies du sentiment, le doute, le spleen, la mort, que sais-je encore? Tout cela passe dans vos discours en abondante jérémiade, exactement conforme à celle qui coule de la plume de vos écrivains favoris. Et savez-vous ce qui arriverait si vous n'y preniez garde? C'est que vous finiriez par ne plus pouvoir retrouver votre véritable nature sous la greffe d'idées et de sentiments d'emprunt dont vous la chargez. C'est que, pour avoir trop longtemps joué à l'impuissant et au désenchanté, vous devriez tout de bon se désenchanter et cet impuissant. C'est qu'au jour où vos yeux s'ouvriraient sur le mensonge de ces détestables doctrines, vous vous apercevriez que leur vent de mort a tout tari, tout stérilisé en vous. Et alors, mon enfant, vous n'auriez plus assez de larmes, de vraies larmes, cette fois, pour pleurer sur ce suicide moral que vous auriez commis. J'ouvrais la bouche pour affirmer de nouveau que j'étais sincère. Il ne me laissa pas finir. Je ne vous reproche pas de mentir, mais d'être dupe. Ce qui me rassure, c'est que votre nature droite et saine prendra tôt ou tard le dessus. Qu'un sentiment vrai entre en vous, tous les sophismes s'évanouiront. Vous reconnaîtrez que vous avez calomnié la vie, et il en sera de votre prétendue désespérance comme de cette pomme de pin desséchée qui, hier encore, pendait à la branche, et que le flux de la sève a fait tomber à terre. « Maintenant, reprit-il après un silence, venez boire un verre de cidre. Cela fera passer mon serment. » Nous nous levâmes. Il se remit à parler tranquillement de ses laitues et de la peine qu'il se donne pour les protéger contre les limaces. Je l'écoutais distraitement, ayant au bout de la langue une question que j'hésitais à lui faire. Et cependant, je suis bien obligé de m'avouer, quand j'y pense, que je ne serais pas allé voir l'abbé aujourd'hui, si je n'avais pas eu ce renseignement à lui demander. Vous qui êtes au courant de tout ce qui se passe dans le pays, ai-je dit enfin, pourriez-vous me dire si vos amis le couturier sont aux ormes pour toute la saison ou seulement de passage pour quelques jours? Tiens, comment savez-vous qu'ils sont arrivés? J'ai rencontré mademoiselle le couturier. Ah, vraiment? Eh bien, ils sont venus s'installer pour tout l'été. Leur fille a été un peu souffrante. Grièvement? Non, puisque je vous dis un peu. Elle aura trop dansé cet hiver. Les médecins lui ont ordonné l'air de la campagne. Il s'arrêta tout à coup, croisa les bras sur sa poitrine et se mit à rire d'un air goguenard. « Qu'avez-vous ? » lui dis-je avec un peu d'impatience. Il m'a répondu « Je pense que vous feriez, clairez-vous, un couple charmant. »« Bien assorti, surtout, » répliquai-je. « Un sauvage, une manière d'homme des bois comme je suis et une fille comme elle, qui doit aimer par-dessus tout le monde, dont j'ai horreur. »« Merci bien. Et adieu. » En quittant Mainville, au lieu de revenir directement à Château-Frayer, j'ai fait un crochet pour passer par Draveil. Pourquoi? Je ne sais. Une idée qui m'a pris tout à coup. J'ai vu que les volets étaient ouverts à toutes les fenêtres de la grande villa qu'habitent les Le Couturier. Des domestiques lavaient les carreaux, posaient des rideaux blancs. Toute la maison avait un air de fête. Comme je regardais à distance, Mademoiselle Claire est sortie à cheval, suivie d'un groom et se dirigeant de mon côté. Elle a passé près de moi au pas et m'a examiné de l'air étonné qu'on prend quand on retrouve une figure connue sans se rappeler où et quand on l'a rencontrée. Au moment même où je portais la main à mon chapeau, je me suis dit que, à cause de ma grande barbe et de mon costume de velours à côte, elle allait sûrement me prendre pour un garde-chasse. Je l'ai salué assez gauchement, j'en ai peur. Elle m'a répondu d'un petit signe de tête tout à fait gracieux. Son cheval a pris le trot, sous une légère pression des rênes. « Je ne crois pas qu'il soit possible de monter avec plus de souplesse et de légèreté. »